On a appris ce matin le décès de Henri Richard à l'âge de 84 ans. Henri Richard qui était aux prises avec l'Alzheimer depuis 2015. Et en ligne, ben, on a l'ancien joueur du Canadien, Yvon Lambert, qui a bien connu Henri Richard. Ben, bon midi, Yvon. Salut, bonjour. Yvon, évidemment, c'est une nouvelle. C'est pas vraiment surprenant compte tenu qu'on savait qu'Henri Richard était malade depuis 2015 avec l'Alzheimer. Oui, ben disons que moi, j'avais des nouvelles régulièrement par l'entremise de Réjean Hull. Okay. Et justement, hier après-midi, j'embarque avec Réjean. On avait une promotion au Centre Bell. Et en voyageant vers le Centre Bell, le téléphone à Réjean sonne. C'était un des fils, Henri, qui appelait Réjean pour lui dire que, oh, puis du mon père, il reste quelques heures à vivre. Alors, comme de fait, il est décédé durant la nuit. Ouais. Alors, on le savait. Puis moi, puis Réjean, ben moi, j'ai eu la chance. Réjean, il y allait peut-être un peu plus souvent. Okay. Mais j'ai été avec Réjean il y a trois semaines le voir. Okay. Et puis là, il faisait réellement pitié. Et puis, ben, c'est l'Alzheimer. C'était beaucoup plus dur pour la famille. Ben oui. Pour lui. Oui. Lui, il n'avait aucune connaissance qu'il avait gagné en Coupe Stanley. Il ne se rappelait plus de rien, ce qu'on avait lu. Non. En dernier, il avait de la misère à reconnaître. Il ne reconnaissait plus ses enfants. Il commençait à ne plus reconnaître sa femme. Alors, c'est très triste. C'est sûr que lui, il ne souffrait pas. Non. Mais c'était extrêmement dur pour la famille, les amis, les plus proches d'Henri. Là, c'était pas facile. Et puis, malheureusement, mais là, ça prenait une fin. C'est arrivé hier soir. OK. Henri Richard, 11 Coupes Stanley. C'est vraiment ça qui l'a reconnu, qui l'a marqué comme joueur de hockey. Hein? Ah, ben oui, ça, c'est un record. Ils sont jamais battus, d'ailleurs. Ça sera jamais battu, ça. 11 Coupes Stanley. Ouais. Avec la même équipe en 20 ans, c'est extraordinaire. C'est là que moi, pour Yvon Lambert, il y a trois personnes qui m'ont influencé durant ma carrière énormément. Mm. Et Henri est l'un de ceux-là. Alors, on vient de perdre une légende, un ambassadeur extraordinaire, un monsieur qui a travaillé tellement fort dans sa vie. C'était un exemple à suivre. Ouais. Quel genre de joueur de hockey que c'était, hein? Ben, Henri, lui, c'était... Il travaillait tellement fort. Lui, okay. Tous les matchs... C'était un monsieur, premièrement, qui se présentait à tous les matchs. À toutes les fois qu'il sautait sa glace, c'était la vie ou la mort. Ouais. C'est un gars qui se donnait à fond de train, 5 pieds 7, là, 165 livres. Jouer comme qu'il jouait, il allait dans un coin, il n'avait pas peur de personne. Dans les pratiques, il était pareil. C'est là que j'ai appris, ça m'a donné réellement le courage et ça m'a donné pourquoi qu'il avait gagné 11 Coupes Stanley. C'est un monsieur qui travaillait tellement fort. Il parlait pas souvent dans la chambre, il parlait presque pas. Ouais. Mais l'exemple qu'il donnait sur la glace à tous les jours, à tous les matchs, à tous les soirs, fallait que tu le suives, sinon tu n'aurais pas resté avec le club. C'est un leader, c'est un leader à sa façon. Quand on dit un leader silencieux, c'était ça. Pas nécessairement, il y a eu des leaders qui parlaient beaucoup, qui parlent beaucoup, mais il y en a d'autres que c'est des leaders silencieux, tu n'avais pas le choix de les suivre. Ah oui, c'est moi, là, j'ai côtoyé Jean Béliveau après, puis... Yvan Cournoyer, ça a été tout un capitaine, ça aussi. Là. Alors, quand il faut te suivre de ce moule-là. Mm. Là, mais Henri, c'est un exemple extraordinaire. Jean Bilbao, ça a été un exemple. Yvan Cournoyer, un exemple. Alors, c'est des années que tu peux pas oublier. Puis moi, ben j'ai eu une bonne carrière, puis j'ai gagné la chance de gagner 4 Coupes Stanley. Ouais. Et c'est sûr que ces gars-là nous ont influencés énormément. Okay. Énormément. Si on parlait un peu, lui, il a jamais profité de l'avantage d'être le frère de Maurice. Hein? C'est un gars qui a quand même... Non. Il a quand même été... puisque c'est un gars qui a créé son chemin par lui-même aussi, là. C'est ça. Tu sais, Henri, il disait toujours « Je suis frère à Maurice. » Ouais. Et c'est sûr que... Tu sais, quand t'es de la même famille, puis c'est ton frère le plus vieux, puis Maurice, lui, il était spectaculaire. Mm. Tu sais, puis il était beaucoup plus fort qu'Henri, physiquement. Ouais. Alors, c'est dur pour le deuxième, c'est dur pour le jeune là, qui suit les traces d'une super vedette comme ça. Mm. Mais Henri, à force de détermination, à force de travail, d'appartenance à l'SCH, pour lui, c'était très, très, très important. Et il a fait son bout de chemin. Il a travaillé très, très fort toute sa carrière, même durant les étés. Il avait une brasserie. Il était toujours là. C'est un monsieur qui il a eu une belle vie. Il a gagné toute sa vie. Il a travaillé fort, puis il mérite qu'il a gagné dans sa vie. OK. Si on parlait un peu aussi d'après sa carrière, ça doit être un bon ambassadeur aussi, là? Ben oui, ça c'est sûr. Ça, quand les Canadiens ont nommé les ambassadeurs, ça a été extraordinaire. Tu sais, Maurice, Jean Béliveau, Henri, Yvan Cournoyer, Iggy Lafleur. Là, il en reste deux, Lafleur et Cournoyer. Ça a été extraordinaire. Puis ces messieurs-là ont fait un job superbe. Ça a été des ambassadeurs incroyables. Ils ont toujours dit merci à leur public. Ils ont été tellement reconnaissants envers le public. Moi, je le vois encore aujourd'hui. Là, il reste Cournoyer et Guy Lafleur. Ouais. Ces deux messieurs en demande super. Là, Henri était plus là depuis 4 ans, 4-5 ans. Mais pendant qu'il était en bonne santé... Henri, premièrement, il menait à tous les matchs et tout le monde qui rentrait dans le salon allait lui donner la main, allait le féliciter, lui demander un autographe ou prendre une photo. Puis ces gars-là, ils ont toujours dit oui. Ils ont toujours dit oui, ils ont toujours été polis. Tu sais, c'est des exemples à suivre. Ben, c'est clair. Dites-moi, du côté du Henri Richard, c'est... On ne sait pas quand ça va être ses funérailles. Est-ce que vous attendez des funérailles un peu comme Maurice a eu, comme Jean Béliveau a eu? Ça va être à peu près dans le même style? Je sais pas. J'ai aucune idée. Okay. Moi, je sais que ça me surprendrait que ça soit aussi grand que Jean. Oui, OK. Ou Maurice, parce que j'ai participé aux deux. Parce que la famille, tu sais, Henri, ça faisait 5 ans qu'il était réellement placé, malade. Ça a été très dur. La famille, très, très dur pour la famille, surtout Lise, son épouse. Mm. Alors, je ne sais pas. Là, je sais que l'organisation du Canadien sont avec la famille présentement et sont en discussion de ça va se faire probablement assez rapidement. Je sais qu'il y avait deux de ses filles qui étaient à Cuba en vacances, sont arrivées hier soir durant la nuit. Alors, ça devrait se faire, mais si on suit à l'image d'Henri, je pense que ça va être assez intime et assez tranquille. Dites-moi, il en reste plus des Canadiens, là, ceux-là qui vont rester, c'est le, maintenant, tu sais, les années 50, 60, il en reste plus quasiment. Là, c'est vous autres, c'est vous autres qui est rendu quasiment maintenant les Serge Savard, C'est sûr, ça va donner un coup à un gars comme Jean-Guy Talbot, Marcel Bonnet. Plus Jean-Guy, parce que Jean-Guy était très proche d'Henri Richard. Ça va donner un coup à Henri, ça va donner un coup à Robert Rousseau. Robert Rousseau était dans le salon des anciens il y a quelques semaines avec toute sa famille. Et Bobby aussi commence un petit peu Alzheimer. Alors, ça va affecter ces trois personnages-là. Et ça l'affecte le restant de nous autres. Rester Yvan Cournoyer, Guy Lafleur. La vie continue. Effectivement, c'est ce qu'on est juste. C'est le dessin. Yvon Lambert, un gros merci pour cet hommage fait à Henri Richard. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée. Notre ami Yvon Lambert.